les amis, le vent a bien tourné sur nous qui n'avions que guère de soucis. Avant cette journée, cette nuit qu'a tué nos frères, j'ai pas les épaules d'un guerrier, ni l'esprit militaire. Sonne et clairon désappelés, mais moi, je reste derrière. Mes amis, je ne porterai pas le drapeau des patriotes. J'ai promis que jamais sur mon toit aucun étendard ne flotte, que jamais mes pas ne se mêlent aux marches militaires, que ma voix ne sera pas celle qu'ils arriveront à terre. Non, je n'irai pas à la guerre, vous ne m'enverrez pas au front. De vos idées, je n'ai que faire, pas plus que de vos droits canons. Non, je n'irai pas à la guerre pour jouer aux soldats de plomb. S'il faut aller vers l'ennemi, j'irai. Et la fleur au fusil. Mes amis, de nos 25 printemps, que savons-nous de la vie? N'allons pas déposer notre sang sur les lames ennemies. S'il y a 100 stupides chemins qui mènent au trépas, jamais un pire que de mourir au combat. Mes amis, je ne suis pas de ceux dont parlent les manuels. Je m'enfuis et me soucie bien peu que l'on me juge infidèle. Parmi les anciens combattants, je n'irai pas défiler, et jamais sur un monument mon nom ne sera gravé. Non, je n'irai pas à la guerre, vous ne m'enverrez pas au front. De vos idées, je n'ai que faire, pas plus que de vos droits canons. Non, je n'irai pas à la guerre pour jouer aux soldats de plomb. S'il faut aller vers l'ennemi, j'irai. Mais la fleur au fusil. Mes amis, dites à tous ces soldats de changer leur baïonnette en jonquille, en fleurs d'hortensia, en bouquet de pâquerettes, qu'ils décorent leur machine de guerre de fleurs de myosotis, qu'ils envoient leurs fusées en l'air comme des feux d'artifice. Mes amis, ne donnez pas vos vies à qui n'en est même pas fier. Le pays vous appelle aujourd'hui et vous reniez hier. Refusez de donner votre âme à qui ne la mérite pas. Refusez de porter la lame et fuyez avec moi. Non, n'allez pas à la guerre, vous n'avez rien à faire au fond. Si leurs idées vous indiffèrent tout autant que leurs droits canons, n'en allez pas à la guerre pour jouer aux soldats de plomb. S'il faut aller vers l'ennemi, allez, mets la fleur au fusil.